idées flashaient les codes à commencer à peine le secondaire. La raquette à cette maison, c'était une des histoires. Tout quoi paraît mieux des étagères. C'est bête à dire, mais je suis content pour elle. Elle aurait pu finir dans une poubelle, tripotée par des salons et des rats, comme plusieurs de ses amis les Chinois. J'imagine que c'est très valorisant, veillé à satisfaire son client, assis-tu comme ses amis les Chinois. Merci, bonsoir, ni hao, sayonara. J'espérais ici déjà. Ça doit être la petite charrue qui m'en troublait. Je me souviens plus ce que je faisais là. J'ai viré le coin, ben vite, j'ai ramassé une paire de bas. Avait bu le bouton des gros tontons, puis un partiel. J'ai continué de marcher dans la. Ça vaut pas cher, mais ça fait bien pareil. Quand je lui dis tu reçois ton chèque de paye dans une enveloppe de papier chinois, signé de la main de Dolorama. J'imagine que c'est très valorisant, payé à satisfaire son client, assis-tu comme ses amis les Chinois. Merci, bonsoir, Miran. Choisis pas son enfance, on m'a pas laissé à droite, tu es mon père, m'emmenait jamais au square. Mais aux réunions de comité, mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La la la la la la la la la la la la la la la. On a été en ours l'hiver, le pays de l'Est, c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments, les nuances de gris, ça flash sur le blanc. Devant la statue de Lénine, pour nous c'était le grand frisson. Mon 24, c'était pas terrible, mais les chapkas étaient en option. Mon père était tellement de gauche, quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. La la la la la la la la la la la la la la la. On mangeait des Lénins burgers, fallait vraiment faire attention. T'avais du chou, une pomme de terre, la viande, elle était en option. On achetait du Coca-Cola cause, approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose, on s'en servait pour désherber. On gardait pas la contrebande, on gardait pas la corruption, la Sibérie. C'était Disneyland, le discernement en option. Mon père était tellement de gauche qu'à son mariage dans l'église, on chantait l'international, les femmes portaient des fossiles. Mon père était tellement de gauche qu'on a eu tout plein d'accidents. Les fusées, la priorité à droite systématiquement. La la la la la la la la la la. La la la la la. Les copains se foutaient de moi tout le temps, car à l'école, au premier rang, j'avais les lunettes de Brejnev et le dentier dans Tupolev. Mon père était tellement de gauche, en 80 il croyait que ça changerait. Je sais pas quelle tête il aurait fait en 2002 en allant voter. Et même si tout ce que je raconte n'est pas tout à fait vrai. Le socialisme comme paradis, nous on y croyait. Mon père était tellement de gauche que lorsqu'il est parti, la gauche est partie avec lui. Les Fatal Picard et Mon père était tellement de gauche. Nouvelle entrée en 18e place de leur album Le sens de la gravité. C'est la troisième pièce de cet album-là à figurer sur notre palmarès. Il y a eu Le combat ordinaire et C'est l'histoire d'une meuf jusqu'à très récemment. Avant ça, c'était une autre nouvelle entrée en 19e de Larama de Fred Fortin. C'est sa deuxième dans le palmarès. La première, c'était Chanson. Colin, La merveille masquée, tourne pour Léonie. Hein? C'est dans ma tête, ça. Et on a commencé le bloc avec la 20e position. C'est celle des Maléchés. Nouvelle pièce, Le garage. Et ça, je crois que c'est la deuxième. Yes, de leur album, la première étant La Taverne d'à côté. Il y en a eu d'autres qui sont sur l'album, mais ils étaient sur des maxi avant, donc ça compte pas pour moi. C'est toujours dans les premières assez fous, édition francophone. On continue jusqu'à la première position. On se rappelle que la semaine passée, le numéro 1, c'était Les Amis au Pakistan avec Imra Stingra. On va voir si ça reste d'ici la fin. On va aussi se diffuser plein de bons groupes comme du Alexandre Desilets, du We Are Wolves, du Shampoing, du Nombre, plus tard. Dans le prochain bloc, il va y avoir du Chinatown et du Ariel. Je crois qu'on va sauter par-dessus Ariel, par contre. On va commencer ça avec la 17e position. Elle descend d'une place. C'est L'amour sommaire de Yann Perrault. Vous êtes dans les Palmarès, c'est vous. Édition francophone. J'entends les échos au salon, le chant de bataille fume, le son des clairons pleure, la lune cachée, l'amour se meurt. C'est la vie. Mes souliers souillés sur le dance floor, à t'écouter battre des cils. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Qu'on lit dans les yeux des garçons quand tu passes près d'eux. Tes mollets moulés amènent le nylon et tes yeux des chansons tristes en si tristes. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Mais si tu t'en vas, moi je te tiens la porte. Et allons battre la semaine en des tas de feuilles mortes. Je ferai en sorte que tu sois mon escorte, jusqu'à ce que l'ennui nous sépare, jusqu'à ce que la nuit nous répare de ces voyages au calende. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton cœur est une plage au milieu des tristesses. Et si tu t'en vas, moi je te tiens la porte. Et allons battre la semelle dans des tas de feuilles mortes. Oh ma chérie. Ton cœur est une plage au milieu des tristesses. Ah, Chinatown, tu es un hit en 15e position. Ça monte de la 20e place, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière, c'est de Chinatown. Leur album s'appelle Cité d'or et on ne compte plus les pièces de Chinatown qui ont figuré sur nos palmarès depuis les dernières années. C'est un groupe très productif de hits. Avant ça, entendu, on a sauté par-dessus Ariel, pardon, avec Faufilet qui descendait de la 12e à la 16e, mais c'est sa 10e semaine dans le palmarès. Un jour, ça va s'en aller, cette pièce-là de Ariel. Elle est encore très très bonne, mais des fois, il faut sauter des choses. On a commencé le bloc avec Yann Perrault et L'amour se meurt qui descend d'une place. Ça fait 7 semaines que c'est là et c'est en train de mourir, ça. Cette pièce de Yann Perrault, L'amour se meurt, c'est dommage. Dans le prochain bloc, il va y avoir la musique de Shampoing et de Vincent Vallière, mais on commence par la 14e. Elle descend de la 5e place. Quelle chute! Voici Flat et Technicolor. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Édition Franco au 89 FM. Je pense en... numéro 13. En attendant vendredi soir, pour puncher pis aller boire, en attendant le livreur qui va être love le 1 heure, en attendant la caissière qui se souvient plus du code, en attendant le beau-frère pour des vacances à Cape Cod, en attendant à l'urgence ou bien à court des petites créances, en attendant l'autobus, en attendant d'avoir des muscles, en attendant d'entrer à fac, en attendant après ton fric, en attendant sur le bord du fax ou en attendant le déclic. Le temps est long, long, long, long, long. En attendant la tempête ou une raison pour faire la fête, en attendant tes enfants qui eux attendent la fête. Le temps est long, long, long, long, long. Ça joue au con. Retour, Shampoing, Mimi Van Der Glo et le nombre dans les palmarès, c'est fou, édition Franco. Numéro 12. C'est trop longtemps que

Billy Cooper de la formation Le Nombre stable en 10e position du palmarès francophone. Avant ça, c'était Mimi Van Der Loo et Demain je travaille qui monte de la 19e place à sa 2e semaine. Donc ça monte quand même assez vite. Ça a pas mal franchi presque la moitié du palmarès. Avant ça, c'était Shampoing avec Vu que t'es là qui descend de 6. Et je crois même qu'on a entendu avant ça Vincent Vallière, Le temps est long qui monte d'une place. C'était un long bloc musical de palmarès francophone. On se rend jusqu'au numéro 1. On se rappelle que la semaine passée, le numéro 1 c'était Imra Stingra des Amis au Pakistan. On se demande si ça tient toujours. Il va falloir rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour le savoir. Donc, prochain bloc, là-dedans, il va y avoir du Hôtel Morphée et du Alexandre Desilets. On commence par la 9e position. Elle monte de la 17e place. Voici Chez Candy de Patrick et les Brutes. Mal à droite. numéro 7. Regarde par la fenêtre si tu as mal au cœur. Laisse grandir le moteur. Défiler les acteurs. Descends doucement la vitre. Prends un grand soupir. C'est pas ta fin du monde. Prends ton temps et respire. Encore. Je sais que t'es fatigué, que t'as assez volé. Que même les nuages reconnaissent ton visage. Ma main sale de plomb verse des larmes de béton. Je sais qu'il est trop tard pour aller jouer dehors. T'amener le samedi pour danser. Même s'il fait trop froid, même si on manque de temps. Si la danse est fermée, ben je trouverai un plancher assez beau pour valser un plafond béant. Plein d'étoiles dedans. Plein d'étoiles dedans. Hôtel Morphée, dans sur les toits, 7e position, francophone, ça monte de la 18e place, c'était nouveau la semaine dernière, donc vraiment, là, un succès pas pire pour Hôtel Morphée qui monte directement de la 18e place. Avant ça, c'était Alexandre Desilets et Ouvant Loumen qui monte d'une place seulement, hein, ça fait 5 semaines que c'est là, ça monte très tranquillement, peut-être que c'est une pièce calme, les gens aiment peut-être moins les pièces calmes, je sais pas, c'est les animateurs de C'est Fou qui décident de tout ça. Et avant ça, il y a eu Patrick et les Brutes avec Chez Candy qui, elle, est un succès et, assez gros, ça monte de la 17e place, elle aussi, elle était nouvelle la semaine passée. Vous êtes dans le palmarès édition francophone. On déboule ça jusqu'au numéro 1. Tout de suite, voici la position numéro 6. C'est Mickey 3D, la footballeuse de Sherbrooke qui descend étrangement de 4 places. Je crois que ça s'est même pas rendu au numéro 1. Puis déjà, ça commence à redescendre. C'est pas une bonne nouvelle pour Mickey 3D. Mais bon, le voici tout de suite dans les palmarès C'est Fou. C'est ton condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Ça, au cas où vous le saviez pas. Hein, je vous apprends des choses. Moi, c'est une émission éducative, les palmarès C'est Fou. On s'éduque sur le concept d'émission, finalement. avec son chignon sur sa tête et son petit short un peu serré, ses chaussures blanches et ses chaussettes jusqu'aux genoux bien remontés. La petite footballeuse de Sherbrooke avait les jambes un peu musclées, plus proche de celle de Ribéry que celle d'Angelina Jolie. Mais moi j'avoue qu'elle me plaisait au stade de l'université. J'ai toujours préféré les filles avec un style bien démarqué. C'était pas la plus efficace et pas non plus la plus virile, mais la qualité de ses passes la distinguait de ses copines. Parfois sa tête se retournait, un petit regard elle me lançait, alors mon cœur s'accélérait et tout à coup je me voyais passer ma vie à ses côtés. De nos enfants je m'occupais pendant qu'elle allait s'entraîner, des sucres lents je préparais, et tous les dimanches en famille on s'en allait l'encourager. On mangeait des glaces aux myrtilles pendant que maman prenait son pied. Puis mon téléphone a sonné et le campus j'ai dû quitter. Mais dans les vestiaires j'ai filé et sur son casier j'ai marqué ma petite footballeuse de Sherbrooke. J'ai pas le choix, je t'abandonne. Parfois on se dit au revoir bien avant de se dire bonjour. Il se peut qu'un jour je revienne pour essayer de te croiser, mais je sais bien que c'est pas la peine et que je te reverrai jamais. Ma petite footballeuse de Sherbrooke, je me souviens, je me souviens des arbres tout au long de la route de ton pays dans le matin. Ma petite footballeuse de Sherbrooke, je me souviens, je me souviens. Et mon cœur parfois se déroute vers ton Québec un peu lointain, vers ce Québec un peu trop loin. Numéro 5. We Are Wolves et La Rue Oblique montent de deux places en cinquième position francophone. Vous avez leur album Invisible Violence. Vous êtes dans l'édition francophone des Palmarès C'est Fou, qui est un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. En passant, laissez-moi vous renseigner un minimum comme ça sur le nouveau format des Palmarès C'est Fou pour ceux qui ne s'en sont pas encore rendus compte. L'émission est maintenant divisée en deux. On est donc les mercredis et les jeudis entre 13h et 15h. C'est l'édition anglophone qui est le mercredi entre 13 et 15. Et le jeudi, c'est l'édition francophone, celle que vous écoutez en ce moment. Et les deux sont combinés en un seul et même ensemble qui fournit les vendredis soirs entre 17h et 20h en version un petit peu écourtée. Parce que pourquoi écourtée? Pourquoi est-ce que je précise écourtée? Parce que dans les deux éditions du mercredi et jeudi, il y a une demi-heure additionnelle à la fin où on plonge dans le top des albums, dans le top loud, le top électronique et le top canadien. On fera ça un petit peu plus tard, tout à l'heure, alors que les gens du vendredi nous quitteront pour les lutins de l'enfer. Bon. Donc, on est rendu à la position numéro 4 déjà. C'est l'ancien numéro 1 qui est en quatrième position. C'est Imra Stingra, des Amis au Pakistan. Suivra les trois accords avec Poul Pastel ou Pul Pastel qui monte de 5 places. Donc, allons-y avec les Amis au Pakistan dans quelques secondes. Le temps de vous rappeler d'aller voir le www.assemblagerequis.com pour la balado-diffusion de l'émission et pour les pièces qui ont joué. Et sur le www.sif.ca pour nous écouter en temps réel, en direct sur Internet. Les Amis au Pakistan, Imra Stingra tout de suite. J'ai rencontré un être très, très, très... Retour les patins roses, trois accords et valse pariétaire dans les Palmarès C'est Fou édition francophone. Numéro 3. Les trois accords et Pull Pastel, troisième position francophone, ça monte de 5 places avec leur album Dans mon corps. Avant, c'était Les Amis au Pakistan avec Imra Stingra, l'ancien numéro 1 qui est maintenant en 4e place. Il nous reste seulement les positions 2 et 1 à faire dans cette édition francophone des Palmarès, c'est fou, hein? Donc, on a un nouveau numéro 1. Hein? C'est beaucoup de N. Un nouveau numéro 1. Oui, il y a un N dans 1. Bref. Donc, on va savoir dans quelques instants ce que c'est. Évidemment, je ne mentionne pas le titre ni le groupe, t'sais. Parce que des fois, la vie, t'sais, c'est bien beau. Des fois, la vie peut être rose. Des fois, la vie est un petit peu moins rose. Eux le sont particulièrement et même qu'on peut... On peut accrocher un manteau dessus. C'est la patate rose, finalement. Mais on commence avec le numéro 2. Voici Valès Pariétaire, ma formation préférée, je crois, dans le monde entier. Et voici avec Boisvert qui monte de la 13e place. Ça a pris seulement 3 semaines pour se retrouver au numéro 2. Donc, Boisvert de Valès Pariétaire, ça se passe tout de suite dans les Palmarès C'est Fou, édition Franco. Restez avec nous parce que tout à l'heure, l'émission se continue. Hein? Oui, elle n'arrête jamais, cette émission. Jamais. Première position. Cette putain de fille va me rendre fou. le grand numéro 1 du palmarès francophone de cette semaine. On vient d'entendre, en fait, avant de le dire, faisons un petit récapitulatif du top 3, pourquoi pas, comme on le fait d'habitude. Hein? En troisième position, c'est les trois accords avec Pull Pastel qui monte de 5. En deuxième, Vanessa Parietar monte de 11 avec Bois Vert. Et on vient tout juste d'entendre La Patère Rose avec Jesse Cock. Ça, ça monte de 3 places. Ça a pris 6 semaines pour se rendre au grand numéro 1. Les auditeurs du vendredi nous quittent, hein? Ils s'en vont rejoindre les Lutins de l'Enfer qui commencent dans quelques minutes à partir de 20h. Je leur souhaite une très très belle soirée d'ailleurs avec les Lutins de l'Enfer. Ça va être super bon, j'en suis sûr. Nous, le jeudi en direct, on continue le palmarès avec le top 30 des albums, le top 10 loud, le top 10 électronique et le top 3 des disques canadiens. On va faire un petit tour là-dedans. Vous allez voir, ça va être bien intéressant. Ça fera pas mal du tout. Vraiment, là. Donc, en passant, pour les auditeurs du vendredi soir qui veulent écouter les palmarès au complet, ben, c'est en direct le mercredi de 13h à 15h avec la version anglophone et le jeudi aussi entre 13h et 15h pour la version francophone. Bref, c'est ça qui est ça. On se retrouve après la pause pour les gens du jeudi et puis la semaine prochaine, vendredi 17h pour les gens du vendredi. Bye! C'est fou, 89 ans. Hey, bon retour, c'est la deuxième partie des Palmarès, c'est fou, hein? L'extra, le bonus, la sauce, saucisse merguez, etc. C'est la deuxième partie, donc, où on se faufile quelques pièces du top 30 des albums, top 3 des disques canadiens, top 10 des électroniques et top 10 loud. Je vais finir par le dire, tu sais. Parce que les Palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone, donc c'est pour ça que des fois, ça vaut la peine de les entendre. Si vous étiez avec nous hier, mercredi, on a joué plusieurs pièces du Palmarès électronique, donc aujourd'hui, ça va être les autres, le top 30 des CD, le top 10 loud. On va commencer par les albums, parce que dans le top 30 des albums, il y a plein de choses qui ne sont pas dans le top 20 anglophone. La plupart le sont, mais certaines ne le sont pas. Donc aujourd'hui, on va entendre des formations telles que Dead Man's Bones et Zeus, mais on va commencer avec un petit peu de Band of Skulls. On les connaît parce qu'ils sont présentement en position numéro... En quelle position sont-ils? Ah, mais je me cherche. En tout cas, ils sont encore dans le bas du palmarès anglophone en ce moment même. Mais on va les entendre tout de suite avec la position numéro 18, leur album... Baby Darling Dollface Honey. On écoute le morceau I Know What I Am, puis on entendra du Zeus et du Dead Man's Bones. Donc restez avec nous jusqu'à la fin. C'est les palmarès, c'est fou! Bonus! I got the

smell my breath from the blood in your neck. I hold my soul from the lands unknown, so I can play the strings of your Dead Man's Bones et le morceau My Body's a Zombie for You. Et ça, c'est la position numéro 22 du palmarès des albums. C'est là qu'on est, hein. C'est là qu'on se situe à l'intérieur du top 30 des CD en ce moment. On magasine un petit peu pour voir qu'est-ce qui pourrait peut-être un jour se retrouver dans le vrai palmarès. Ça l'a été récemment avec la pièce In the Room Where You Sleep. Ça n'a pas vraiment fonctionné, ça n'a pas duré très très longtemps. Cette pièce-là, je l'aime bien aussi. Peut-être qu'on pourrait l'essayer. Peut-être qu'à un moment donné, les animateurs vont commencer à aimer ça. Avant, on a entendu Band of Scars avec leur album Baby Darling, Dollface Honey. Et la pièce qu'on a entendue était I Know What I Am. On a aussi entendu dans le bloc, je crois que c'était même au milieu, du Zeus avec In the Know. Oui, c'est ça, c'est ce qui a précédé Dead Man's Bones. Petit palmarès qui est dans le désordre, top 30 des CD, c'est un petit peu dur à se retrouver. Je vais essayer de vous guider à travers tout ça. On va continuer ça avec un petit peu de A Fine Frenzy. Leur album s'appelle Bomb in a Birdcage. C'est la position numéro 27 du top 30 des CD. Groupe que je connais pas encore tant que ça, donc on va écouter ça tout de suite. Voici donc A Fine Frenzy avec Blow Away. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, portion additionnelle, valeur ajoutée, avec 100% plus de pulpe. When you need 'em, come and go. Blow Away de A Fine Frenzy dans la portion extra des Palmarès C'est Fou. Ça, c'est la position numéro 27 du top 30 des albums. Et le CD s'appelle Bomb in the Birdcage. Mm-hmm. Donc, on continue dans le top 30. Non, en fait, on arrête le top 30 des CD, c'est ça. Hein? Je m'abuse avec l'ordre des choses, là, tranquillement, pas vite. Donc, le top 30 des CD est terminé. On va plonger un petit peu dans le top loud pour faire un changement et ça va décaler, c'est certain. Hein? C'est pour ça que je parle entre les deux. Vous allez voir que le changement est marqué entre le top 30 des CD et le top 10 loud. Mais quand même, on a essayé de choisir des pièces qui sont un petit peu plus appropriées à l'après-midi. Disons que ce ne sera pas représentatif des albums sur lesquels ils se situent, mais quand même. Donc, dans le top 10 loud cette semaine, il n'y a aucune nouvelle entrée. Aucunement. Donc, on va écouter un petit peu au hasard comme ça. On va commencer par la formation Megadeth, que vous connaissez peut-être. Allez, voici tout de suite avec 44 Minutes dans les Palmarès. C'est fou, au 89 FM. Down by automatic gunfire. It was a cool interest party. Sun went shortly past 9 a.m. The only car they wanted, the heist wasn't coming, so instead they went for the bank. The faithful duo that sat in the getaway car, heavily sedated with thousands of miles. While the piercing 40 automatic weapons, the pulse of wrath poured out on the ground. Baptized in a firefight, hot blood running cold as ice. 44 minutes of target practice, all hell's breaking loose. Hot guns watching the boss come to a firefight with a pocket knife. Getting schooled until they shot Achilles. Fight. Sacrifice. Et la pièce Anthem, une reprise de Rush, ça vient de leur album The Ones I Condemn. D'avant ça, on a entendu Megadeth avec 44 Minutes de leur album Endgame. Regardons un petit peu donc le top 10 loud hein, pour compléter, parce que ça, c'était du top 10 loud, donc c'est normal que ce soit intense et que ça décale avec le reste, là, c'est le top 10 loud. Il est particulier, il est fort, il est intense, d'où le nom loud. Hein. Donc, comme je disais, aucune nouvelle entrée, mais on va faire le top 3 du top loud. Donc, en troisième, ça monte de 6 places Black Dahlia Murder, qui est certainement pas approprié au jour, hein, avec Deflorate. En deuxième, ça monte de 3 Megadeth avec Endgame qu'on vient d'entendre, qu'on a entendu tantôt, oui, et on vient d'entendre le numéro 1 stable Sacrifice avec The Ones I Condemned. On va tout de suite passer avec la position numéro 10 du top 10 loud, c'est Baroness. On va écouter la pièce Blue Record et restez là parce que tantôt on va revenir un petit peu plus, disons, moins intense, un petit peu pour terminer l'émission tantôt des palmarès, c'est fou, alors restez avec nous. La formation Baroness avec The Sweetest Curse de leur album Blue Record dans les palmarès C'est fou. Version top 10 loud en ce moment. Encore une fois, je vous rappelle que ça, c'est la 10e position et c'est stable cette semaine pour Baroness. Tantôt, on était dans le top canadien, dans le top 30 décédé, pardon, et j'ai pas fait le tour de ce palmarès là, donc on va le faire tout de suite, pourquoi pas. J'ai déjà fait le top 10 loud tantôt, le tour au complet, donc top 30 décédé cette fois-ci. Nouvelle entrée en 19e place, Parlor Steps et The Hidden Names. Et ensuite, le top 3 et Two Hours Traffic avec Territory qui monte de la 7e. L'ancien numéro 1 est en 2e place, Tegan and Sarah avec Saint Hood. Et en première, c'est We Are Wolves qui monte de 1 avec Invisible Violence. Et on se rappelle que le top 30 décédé, c'est évidemment des albums et non des pièces. Le top 3 des disques canadiens que j'ai pas mentionné encore cette semaine. En troisième, c'est stable You Say Party, We Say Die avec Quadruple X ou Love. En deuxième, We Are Wolves ou Nous Sommes Loups avec Invisible Violence. Et en première, c'est Tegan and Sarah avec Saint Hood. Voilà pour ça. Top 10 électronique, on l'a écouté hier en détail, mais je vous rappelle qu'il y a trois nouvelles entrées. En dixième, la compilation Waveform Transmissions Volume 2. En huitième, Collide avec These Eyes Before. Et en cinquième, Velvet Acid Christ avec The Art of Breaking Apart. Top 3 maintenant, c'est stable en 3e, Vitalik avec Flash Mob, en 2e, Droppa avec Well Orchestrated Plan, et en 1e, Space Full of Astronauts avec Nano Music. Je vous rappelle encore une fois que le Top 10 électronique est diffusé dans son entièreté ou au complet. C'est à l'émission Le Vestibule, les samedis soirs à 21h. Nous, ben, ça va être la fin de cette édition francophone, accompagnée de plein d'autres choses, des palmarès C'est fou. On va se retrouver donc en direct mercredi prochain à 13h pour l'édition anglophone et jeudi, même heure, 13h pour l'édition francophone. Elles sont compilées et assemblées et si on veut remixées en un beau petit paquet qui est diffusé le vendredi soir entre 17h et 20h. Donc soyez-y, c'est principalement le francophone et l'anglophone sans le restant comme ce qu'on fait maintenant. Donc ça, c'est vendredi 17h, soyez-y. Assemblage requis va suivre avec moi-même et Kiwan dans quelques minutes à peine. On va recevoir Maxime Le Muller-Amé pour ses nouveautés musicales, donc il faudrait pas manquer ça. Reste avec nous sur les ondes de C'est fou. On va se quitter avec une pièce d'Ariel qu'on a sauté au début pas mal de l'émission tantôt. Hein. Ça commence à faire longtemps. Donc Ariel, c'était où? C'était en position numéro 16 francophone, on l'a pas joué. Donc voici tout de suite Faux Filet. Et à tout à l'heure dans Assemblage requis dans quelques minutes à peine. Dans le style faux filet. pieces.